ok. Est-ce qu'il y a, tu croyais qu'on était mort ou quoi? KRE. Ok. Nous c'est la douceur d'un coup de trop d'un pitbull, une paire de paloches en bronze, t'auras en talons, tronche garçon. Après une jeunesse au ballon, nous les deuxièmes chances on connaît pas. Ce qu'on veut c'est juste le fond du fourgon. Alors fourre pas ton pif dans mes oignons. L'absolution c'est dans la soumission que tu l'acquiers et non dans la pression. Nous c'est la guerre et on a guère le temps de rêvasser. Alors je lève mon verre à la santé de mon père, bien qu'on oublie le passé. On t'apprend que les traditions se perpétuent. Moi je te dis que c'est qu'une histoire de thunes et qu'on chute aussi facilement qu'on bute. Nous c'est le genre de négro sans gilet pare-balles. Je t'en prie, me regarde pas, loin d'être cotard dans les sondages. Nous on se marre pas, blackos, nous on se tape pas. 93 soupapes sous le capot. On est trop afro pour être les fils de ta gaule. On a trop de fils et c'est ta faute, Dieu donne. On te laissera pas tomber, on se laissera pas tromper. Le sang-culotte a changé, nous on revient pour manger. Mon son peut le faire, c'est agile, tout est Batman, boy. Ou si tu veux pas que mon staff te fasse du mal, me voit être matinal si tu veux pas que la stup t'embarque. Et si tu me croises dans ta zup, dis-toi tout ne va pas si mal, man. Nous c'est le genre de mec sans gilet par balle. C'est le doigt posé sur la gâchette, boum boum et t'as mal. Respect the wood boy, ton thématique. Manière tu connais ma clique, kilomètre, hématome et explosif. T'as vu sans désespoir de cause que j'essaye de commettre le moins de fautes. Mais mes cuites à haute dose me défoncent trop. J'ai le chic pour le manque de peau. Mes défauts déforment mes épaules. Mais gros j'ai la gaule pour la débauche. Mais mes poches s'y opposent. Si seulement on avait su être fragile, rends devant les mecs honnêtes. Si seulement on savait pourquoi on s'agit, j'aurais pu admettre la faiblesse qui pousse à cogner la femme que j'aime. Et laisser entier les petits pédés qui se paient ma tête. Être malhonnête c'est mal me connaître. Admets quand même qu'il n'y a pas de Macoumé parmi mes collègues. Ce qui fait que je réfléchis et que je me dis que jadis un de mes semblables a su contrôler l'Égypte. Moïse n'aura peut-être pas ouvert la mer en deux, mais il a fallu qu'on croit en Dieu. Alors je me méfie ceux qui nécessitent un instinct très précis, presque incisif. Et je me fous de ceux qui rêvent de voir au fond du récit. Son boulevard c'est agile, tout est Batman, boy. Ou si tu veux pas que mon staff te fasse du mal, me vaut être matinal si tu veux pas que la stup t'embarque. Et si tu me croises dans ta zup, dis-toi tout ne va pas si mal, man. Nous c'est le genre de mec sans gilet par balle, c'est le doigt posé sur la gâchette. Boum boum et t'as mal, respect le wood boy ton thématique. Manière tu connais ma clique, kilomètre, hématome et explosif. Mon son boulevard c'est agile, tout est Batman, boy. Ou si tu veux pas que mon staff te fasse du mal, me vaut être matinal si tu veux pas que la stup t'embarque. Et si tu me croises dans ta zup, dis-toi tout ne va pas si mal, man. Nous c'est le genre de mec sans gilet par balle, c'est le doigt posé sur la gâchette. Boum boum et t'as mal, respect le wood boy ton thématique. Manière tu connais ma clique, kilomètre, hématome et explosif, musique. Ouais, manière tu connais ma clique, carrément.